ballot. C'est un peu baroque, c'est un peu lourdingue, un peu méduc. C'est un peu foutraque, c'est un peu salaud. C'est un peu too much, c'est un peu plein de trucs. C'est un peu... casse-gueule, un peu sublime, c'est un peu glamour, un peu de la frime, c'est un peu troublant, c'est un peu le trou noir, c'est un peu stupide, c'est un peu trop tard, c'est un peu... C'est un peu errance rénaldienne. C'est beaucoup à CKRL, le 89.1, la belle qui a aujourd'hui, qui a cette année 40 ans! Hey, on n'a pas. Attends un peu. Avons-nous le. Oh, Reverber. 40 ans. Ah, oh, il n'y a plus de Reverber. Oh, OK, merci. Vous aviez coupé ça, monsieur? Oui, mais on n'avait plus de budget. J'espère que vous allez en développer un au pire. Pas de budget puis d'émission, moi. Là. Hey, je veux avoir des gens compétents, une console compétente, un micro compétent et un animateur incompétent. Oh! Ah, ça fait des bonnes émissions, ouais. OK, excusez-moi. Une minute à deux, ça doit totaliser 30 secondes, ça? Comme le disait Malbranche, « Tire-toi de ma tige, pauvre mec! Je vais casser! » Alors, celui-là, ce soir, on le coupe. On l'amène à réalité. On lui prouve que la société, là, c'est pas... comment tu l'appelles? Pas Peter Pan, quoique aussi Peter Pan, là, mais le fan. Walt Disney, elle s'appelle le fan, là, c'est le fanfaron. Là. Mais non, voyons, c'est... Je sais pas. Là, pendant que je vais faire le montage, là, aujourd'hui, je vais me dire, ah ben, certain, c'était lui, comment j'aurais pas eu, que je ne suis qu'un simple d'esprit. Benji? Non, ça. Ah oui, Benji. Ça me revient pendant l'émission, c'est une mauvaise idée, ça. Normalement, ici, c'est collé, ça. Qu'est-ce qui est collé, retard, regarde, qu'est-ce qui est collé? Les lunettes. Hey, mais ça, je dors même. Je prends ma douche avec mes lunettes, moi. Parce qu'elle me dit, pourquoi pas? Les laver avec le mec. Hein? C'est révolutionnaire, faites ça, vous, à la maison, là. Même, ben oui, j'ai jamais eu de verre de contact, parce que lorsque j'étais petit, ben, j'étais pas grand, donc ils m'ont placé des cornes et deux branchages sur à droite puis à gauche. Puis dans le milieu, deux gros pneus, j'ai l'impression, en avant de tout ça, on met deux grosses vitres. Là, on m'a dit, « vois-tu clair? » Là, j'avais la tête à terre, bien sûr, parce que c'était lourd, ça, là. Et deux grosses branches, c'était du cédant. Hein? Ça avait cédé, ça, dans le cèdre, du pain, tranche, fesse, baguette. Comment tu les appelles? Ouais, baguette, non? Plus petit. Ficelle, c'était ficelle. Non. C'est du saule. Ben oui, c'est du saule parce que, en plus, il m'avait placé du pleureur, hein. En derrière l'oreille, ça dégoulinait, hiver comme été, moi. Puis là, en hiver, bien sûr, quand ça dégoulinait, ça figeait, ça faisait comme un glaçon. Puis là, j'ai attrapé des ursites, des bursites, des. Ah, bon, à volonté, à volonté. Moi, j'en voulais plus, hein, parce que ça me rappelait un peu la période des fêtes. Il disait, non, plus de volonté, moi, là, j'avais un seul choix, c'est de porter ces verres de compte. Ben, non, ces lunettes à la Elton John dans les années 70, là. Hey, les deux gros pneus, là, c'était épouvantable. Au moins, ça adhérait bien sur le nez. Puis on me disait pas que je ressemblais à Mireille Mathieu. On me disait, ah! À des crises que les femmes faisaient. Ah, les mères au foyer qui, ah, voulaient pas que leurs enfants s'amusent avec moi. Je joue pas avec lui. T'as-tu vu ça, toi, là? On dirait une bête de musée. Une bête de cirque. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Attendez, madame. Ça, c'est l'orienteur. Attendez, madame. Votre fils, c'est un cancre. C'est un lait. Intelligence neutre. Pourrait se tenir au bulletin d'information et lire les textes. Ouais, mais il faut qu'il compose. Ah, il fera composer ça. C'est comme, il trouvera des nègres. Ah, mon Dieu, comment ils vont y payer? Ah, il les paiera comme il veut. Ils vont leur écrire des beaux textes, là. Exemple, là, je sais pas. Le Québec est maintenant libéré du Canada. Information de la Transcanadienne sur la 12 en tournant à droite. Ah, mais ça, c'est de la contre-information. Mais non, je vous expliquais, c'est un exemple. On sait que ça va se produire incessamment, là, mais c'est comme une projection que je faisais. Puis on peut aussi avoir des grands dramaturges québécois. Imaginez-vous Michel Tremblay, le samedi, faire le bulletin d'information, écrire le bulletin d'information en joual à Radio-Canada. Et les critiques! Hein, les gens oseraient appeler pour dire « Hey, nos taxes, madame la folle, hein? Bon, madame la réceptionniste, êtes-vous... Non. Êtes-vous la réceptionniste, vous? Hey, » le 1er mars, ça fait peur. Oui. Non. OK, attends. Là, qu'est-ce? Non, le 1er mai, attendez. Allô? Oui. Madame la réceptionniste? Allô? Bon, est-ce que je suis à Radio-Canada? Allô? Oui. Est-ce que j'ai bien composé? Suis-je à Radio-Canada? Est-ce que j'ai... Ah, monsieur! Il va se faire en direct, là. Oui. Est-ce que je suis à Radio-Canada? Oui. Bon, j'ai composé le bon numéro? Oui. Merci. Mais là, j'aimerais vous faire une plainte personnelle. Oui. Bien sûr que si c'est une plainte de ma part, c'est personnel, hein? Oui. Alors, c'est pas enregistré, ça, là? Oui. Non, je veux que ce soit personnel, madame. Pas que tout le monde le sache, là, moi, là. Vous savez, il est samedi, là. Putain d'information, là. En joual, là. Signé Michel Tremblay, là. Ben, je le prends pas, madame. C'est nos taxes, ça va. Ouais. C'est nos taxes, ça, madame. Êtes-vous au courant de ça? C'est nos taxes. Oh, on recommence, c'est quoi? Non, on continue. Ah, vous voulez, c'est là la coche qui fait en sorte que je m'arrête ou je continue. Stop! Oh! Encore! Je m'appelle Reynald. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Je m'appelle Reynald. Où j'en suis? À la fin ou au début? Stop! Encore! Stop! Ah. Encore! Hey, tu l'as le rythme? Encore! Comment? Stop! Où? Ah. Madame, vous faites stop. Encore, OK? Stop où? Encore. Stop où? Encore. vous êtes bonne. Vous êtes bonne, je vous embauche pas parce que ça vaut pas la peine. Mais c'est ça, là. Si t'es pas un bon écrivain, un bon pécrivain, oui, mais ton t'écrivain, t'écris-tu? J'ai écrit des lettres. Oui. Des lettres, je les entête. OK. Québec le 1er mars 2013. Oh, hein, ça commence bien. Merci beaucoup. Et comment ça se déroule? Ben, ça se déroule pas, ça se plie. Moi, je plie le derrière par le devant et le devant par le derrière. J'embarque ça dans une enveloppe. Vous embarquez ça? J'embarque ça dans une enveloppe. Et je lèche. Et ça, je trouve ça tellement important de lécher. C'est là que l'ADN se trouve. Hein? Quand tu vois des lettres de corbeaux un peu partout. À des qui? Ben, à des corbottes, là. Hein, les petites corbottes, tu dis, oh, bonjour, je m'appelle Renal, je mesure 6 pieds 3, j'ai les cheveux verts, les yeux rouges, là. Ah, oh, toujours, hein, puis t'amènes une photo, là, tu vas. Ah! Elle se trouve devant le monster! Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, jusqu'au petit heures du matin. Hein, madame, continuez, ouais, voilà. Préparez votre four à 3,50. Bon, on revient après. Mais pas après la pause, il n'y en a pas de pause. C'est sans arrêt. 2 heures quelques sans arrêt. Et le cuck, là, à la fin, là, on se force, on arrive au bouton pour placer arrêt. Là. Oh là, ben, on n'est plus capable. Tout le monde est à moitié mort. Hein? Mais là, le pire, c'est que, bon, le mieux, c'est pour prouver au monde que on se donne bec et ongles, non, c'est à bâton compu. À bâton compu, ben qu'on puisse voir ça en vidéo, c'est très intéressant. À quoi bon se faire cette émission si c'est à bâton rompu? C'est pas un coton. Ben, j'ai le coton, j'ai le bouton que je veux bien avoir, moi, là. C'est pas toi qui vas me dire quoi faire, là. C'est quoi cette affaire? Depuis quand on se mêle des expressions rénaldiennes? Bon, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 1er mars 2013. Déjà le 1er mars. C'est incroyable. Il se passe des affaires, là. Ben voyons donc, toi. Ouais, ouais. Vous entendez pas. Ben attends, ben, attendez, là. Arrêtez de parler. OK. Oh, c'est un beau, hein? Le serpent. C'est un imbécile qui fait du bruit. Ah, c'est le troisième, non. Oh. Dans le désert de l'absurdité. Ah. Il n'y a que férocité. Ah. C'est quoi ça? C'est une poulette qui s'enrage. Parce qu'elle veut, elle veut tenter de pondre son œuf. Mais là, tout le monde voudrait qu'il soit plus gros que les autres. Une petite poule, on aimerait qu'elle fasse la grosseur d'un œuf doigt. Le pouce, non, une loi, l'oiseau, loi. La loi, je ne suis pas au-dessus des lois, M. Gagné. Je tiens à souligner à votre public, à votre grand public, puis même le petit public, le moyen, le grassouillet, le rigolo, le moins rigolo, le cheveu gras, le cheveu raide. Celui qui pue, qui ne pue pas. Celui qui est couché, qui n'est pas couché, qui a fermé la radio, qui en aura le bol. Qui veut avoir mon adresse courriel pour m'envoyer des bêtises. Pour celui-là, je lui dis bonjour. Qu'est-ce que... Non. Il n'y a pas de qu'est-ce que. Et puis vous, M. Grenier, bravo pour votre 1er mars. Ah, oh, mais merci beaucoup. Bravo. 1er mars 2013, l'Errance et l'Errance rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui atteint notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour du chanteur Alain Chenevière. Alain Chenevière, né le 19 février 1959 à Falaise. Il était juste avant de tomber dans Falaise. Oui, c'était au Calvados. Connaissez-vous le Calvados, madame? Ah, oh, mon, un excellent vin que j'ai bu avant-hier au soir avec mon petit Rédé d'amour. Oui. En fait, on a eu des problèmes. Oui, le goût était... Non, c'est à l'ouverture de la dite bouteille. De la maudite bouteille? Non, de la dite bouteille. OK, du Calvados? Du Calvados. En fait, mon mari a voulu paraître, bien sûr, mort en route. Oui. Il s'est placé la bouteille. Ah non, s'il vous plaît. Non, attendez. Mais... Oui, d'accord. Entre les deux extrémités des jambes. Oui. Et avec le tire-bouchon qui ne tire plus trop, parce qu'il en a vu du liège. Ah, comme liège enneigé. Ma vie est un jardin de mivre, ah, comme la neige enneigée. Quelle est cette masse mal vive? Et puis là, il forçait, mon petit champ, il forçait, mais par l'intérieur, puis mon amour. Tire! Puis là, il n'a jamais su la différence toute sa vie, il est rendu à 83 ans. Il ne sait pas la différence entre tirer, pousser. On a eu 17 enfants quand même. Mais, c'est une autre histoire, ça, là. C'était un homme bouchonné. Ah, mon Dieu! Puis un peu vinaigré, mais en même temps. Puis qui sent le fond de tonneau. Là. En tout cas, bref, ça, c'est une autre histoire aussi. Alors là, il tirait, je tire, là, tire. Puis lui, il jouait de la pétanque quand il était plus jeune, à 75 ans. Il y a eu les 12 années consécutives de consécutifs. Numéro 1 de la pétanque. Oui. Mais là, il voyait la boule, le cochonnet qui ne voulait pas s'enlever. En quoi? Ben, c'était en quoi ce cochon? En liège, oui. Ah, comme un liège à neiger, OK. Là, il forçait sur le liège qui ne voulait pas neiger, puis il tirait, puis je tire, là, il poussait. Je dis, hey, laisse faire, je vais le faire. Là, non, il dit, hey, mon amour, le mâle est capable de déboucher. Ça, c'est toute sa génération, hein? Le mâle est capable de déboucher. Mais là, on dirait qu'il était impuissant. Je veux dire, à ouvrir la bouteille de... Mais là, on l'a pas ouvert, là, c'est le son que j'ai fait avec ma bouche. Je suis aussi un ventriloque, un bruiteur, un imitateur, un fraudeur de voix, de son et de structure auditive. Donc, tout ce que vous entendez, c'est pas vrai. Mais là, il voulait... On va revenir au bouchon, s'il vous plaît, madame. Oui, le Calvados. Le Calvados. Alors, il avait placé ça entre ses jambes, puis il forçait, il tirait. Là, à un moment donné, là, je me fâche, je prends sa bouteille, je la casse sur le bout de la table. Comme le champagne, mais sans le sabrer. On n'avait pas de sabre. Mais il y avait du sable par terre, là, mais on a voulu que tous les petits morceaux de vitre tombent dedans pour ne pas se blesser les vieux pieds plissés. Parce que c'est des vieux pieds plissés qui sont enfouis dans le sable dans lequel on retrouve une petite parcelle de vitre. Aïe, donc, même si quand c'est de la jeunesse, là, ça fait mal. Quoique quand c'est plus plissé, là, c'est plus difficile à rentrer parce que c'est tout mou. Quand c'est jeune, c'est tout tendu. Là. C'est comme un peu le lifting. Madame Thibodeau, là, qui a 97 ans, elle s'est fait faire un lifting, sixième lifting en 2 ans. Là, on fait un peu comme ça, là, à l'essai de nuit, je suis capable de parler. C'est merveilleux. Avec 15 000 piastres de lifting. Là, ils vont être obligés de refaire toute sa structure du visage. Il a rendu les oreilles dans le front, mon champion. Ah, mon Dieu. Alors, le Calvados. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, c'est un chanteur français. Il a fait partie du groupe Pow Wow. En 2004, il interprète le rôle de Crassus dans la comédie musicale Spartacus, mise en scène par Élie Chouraki, composé et écrit par Maxime Le Forestier. En juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici, laisser la musique nous enchanter? Pourquoi pas? Es-tu certain? Non, je suis convaincu. Black girl, you cannot resist. It's the end of Christmas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire, donc toutes les époques m'intéressent. Mais le 19e, parce que c'est un peu la gestation de notre époque aujourd'hui. Et en même temps, c'est très proche, mais très, très loin aussi au niveau culture et tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui me parlent au 19e siècle. Quoi. C'est un peu ce qu'on est devenu, là, c'est ça Oui. Je sais pas, au niveau de la littérature, l'histoire, il y a la fin de la conquête de l'Ouest, qui est une période passionnante, même si elle est tragique. Enfin, des tas de choses qui me... On voit presque John Wayne. Hein? Ceci dit, en te parlant, je suis aussi passionné par Rome. OK. Rome, voilà. Rome et ses conquêtes, voilà. C'est ces gens qui ont envahi le monde connu à l'époque, qui ont été si loin. Et voilà. Aimes-tu le cinéma américain des années 50-60? Je parlais de John Wayne. Oui, bien sûr. Oui, hein, on sent vraiment... Si tu étais un animal... Un animal? Non, je sais. Ah, un aliment, excuse-moi. Oui, non, à chaque fois. Ah, oui. Et là, je peux identifier un aliment. Ah, tu essaies? Oui, mais... Un jour. Pourtant. Le chocolat. Ah oui? Oui. Pur, là. Oui. 70% de cacao. Tu rigoles, 100%. Oh, OK. Alors, la nuit est longue, avec un morceau de chocolat dans la sandwich. Si je peux, ouais. Oui. Moi, je suis de culture catholique, mais je ne suis pas croyant ni pratiquant. Okay. Mais je dis toujours, il y a trois choses qui me font penser que peut-être Dieu existe. Okay. C'est le vin, le fromage et le chocolat. Et les femmes? À tes souhaits. Excusez-moi. Les femmes, c'est Dieu. Oui, ah, voilà. Et voilà. Si tu étais une saison? Je dirais tous les changements de saison. OK. Pas les saisons, mais les changements de saison. Oui, oui, oui. Voilà. Parce qu'on a encore un peu de celle d'avant et on commence à goûter à celle d'après. Oui. Et souvent après, elles sont trop longues, oui, les unes comme les autres. Mais là, quand ça change, c'est le meilleur moment, je trouve. Mais au Québec, on les sent très bien. Mmh. Parce que les quatre saisons sont vraiment représentées à leur état pur. C'est comme des cartes postales. Printemps, été, automne, hiver. L'hiver, c'est l'hiver. L'automne, c'est l'automne. L'été, c'est l'été. Alors qu'ici, là, en tout cas à Paris, on a un peu perdu ça. Quoi. C'est un peu. C'est dilué. C'est... Oui, ouais, dilué, moi, je vais dire. Oui, dilué, c'est mieux. Si tu étais un membre corporel. On est diffusé à minuit et quelques, hein? Donc vas-y. Ma main pour dessiner. Okay. Une main qui dessine, qui touche, qui serre la main, la guitare, qui joue la guitare. Qui, ouais. Le côté humaniste. Ouais. chicken got that low. And then I'm housing all aboard. I'm gonna take my feet right way back. Watch that train rolling down the track. I'm gonna bring it on home. Bring it, bring it all home. Succès. Jean-Luc, je crois que c'est le clone d'Elvis Presley. Son véritable nom, Reynald Gagné. Hein? C'est vrai, Reynald Elvis, ça se ressemble. T'es-tu? T'es un cinglé. Non. Avant de me déclarer raturé de tout concept. Parce que là, j'essaye de trouver. Hey, on sent. Oui, attends un peu. Tout con. On reprend, madame. Deuxième prise. Clap. Avez-vous de clapette? Non, mais on l'a le clapet. Action. Oh, tu vas casser ton pot micro. SM chauffeur, chauffeur. Mon espèce de brise-fer. Hey, on me l'a dit. Quand j'étais petit, là, on m'a souvent mentionné que j'étais un brise-fer. Mais c'est pas vrai. C'est vrai. Dans un temps très reculé, à trois pieds de mon histoire, j'ai passé par Saint-André pour rencontrer le désespoir. Renaissez, renaissez, c'est comment c'est comment pas. Renaissez, renaissez, pas, c'est comment c'est quand tu l'as pas. Hey, c'est beau, ça. Oui, c'est du Rélal. Oh! C'est sur mon nouvel album. Chanson à n'en plus finir. Oh, chanson à n'en plus finir. As wind away, hammer they say, wind a bin, wind tala bin, wind a bin, lèche la baline, lèche la petite. Oh, chevalier. Là aussi où se passe des choses totalement indescriptibles. Quoi qu'on peut décrire quelque chose là, maintenant, ici, en direct. Madame! Madame rêve d'apesanteur. Arrête de chanter, là! Les gens n'aiment pas ça quand tu chantes. Les gens n'aiment pas ça quand tu parles. Les gens aiment ça quand tu fais rouler la musique. Ben oui, mais là, c'est pas le cas. Puis là, pas le cas, laissez-moi vous dire, Mme Tremblay, c'est mieux que le punk. Pour vous. Vous avez passé chez la coiffeuse avant? Avant quoi? Avant de passer à l'émission? Oui, et puis, ah, c'est très beau, mais moi, là, la prochaine fois, là, faites-vous descendre le capot de 3 pouces parce que vous ne pouvez pas entrer dans la porte du studio puisqu'on a mis du stico. C'est là, studio stico. On a mis du stico tout simplement pour plaquer une mention en anglais parce que je n'ai pas trouvé la version francophone. Madame Marois. Je tiens à m'en excuser infiniment. Mon nom, attends, je vais dire tout mon pedigree, mon profil. Madame Marois, si vous voulez m'actionner. Mon nom est Reynald Gagné. Je l'ai dit depuis le début de l'émission, là, mais ça s'écrit R-A-Y-N-A-L-D-G-A-G-N-A, accent aigu. Mon numéro d'assurance sociale, c'est le 132-56-433. Hein? Pardon, j'ai dit 433. OK, ça finit par 433. Bon. Et j'habite au 405, vous passez au CKRL, là, 405 3e Avenue. Le jour, je dors au sous-sol, à côté du compresseur, dans ma cage. Parce qu'à l'époque, Marjorie, lorsqu'elle m'a pris pour l'émission d'Errance Renaldine le samedi, elle me plaçait toute la semaine dans la cage, histoire que je remonte faire l'émission le samedi suivant. Parce qu'elle avait entendu parler que j'étais une bête sauvage et elle avait raison. Ils ont gardé cette cage-là. Ils me l'ont même pas agrandi, madame. Mais ils ont mis un petit peu d'éclairage. J'ai demandé le rouge parce que c'est vif. Hein, ça me rend fougueux quand je monte en haut là, le vendredi, le jeudi à 23h59. Là, je suis en feu. Là, monsieur, comment il s'appelle, le Rouquin? Monsieur le Rouquin. Pas le Rouquin. Bon, c'est pas... Mais non. Mais non, voyons donc, il a gagné le premier prix. Voyons, le prix, ben le prix de quoi? Le prix d'interprétation radiophonique. C'est Gauguin. C'est Gauguin. Monsieur Gauguin, pas le Gauguin, pas le grand pain. Ben oui, on a ce... Oui, comme animateur, nous avons eu l'aimable, l'extraordinaire rencontre. Et surtout, comment dire, le premier, deuxième doigt. Hey, t'as de la misère? Non, madame, j'ai pas de la difficulté. Non. Parce que mon hamster tourne à droite, OK? Pendant que l'autre essaie de tourner à gauche. Monsieur Grondin, qui s'appelle, bon. Monsieur Grondin, c'est lui qui, après son émission, là, ton oreille a soif, là. Puis elle veut presque encore boire, là. Place mon émission pour que les gens puissent avoir d'autres liquides. Absurde. Et donc, Monsieur Grondin descend en bas. Bien sûr, avec son armure, parce qu'il ne peut pas rentrer habillé en civil. Là. Son armure ouvre ma cage. Et là, il y a un couloir, bien sûr, tout encore là, madame. Vous ne pouvez pas sortir la fauve. Là. C'est... Je me sens comme Johnny Hallyday, la chanson. Les portes nues, pénitentiaires. Et là, je monte tranquillement. Les marches de CKRL dans ma cage, parce qu'ils ont fait un corridor en cage. Bientôt, là, monsieur Grondin frappe dans la cage. Oui, vas-y, pour me rendre plus violent. Bien sûr, on se reverra. J'essaie de trouver un petit orifice pour sortir, pour sauter sur le gars. En plus, les cheveux rouges de la main. Mais il n'y a rien. Mais je me sens de plus en plus fauve, là. Là, il dit, il y a le micro, vas-y. Le coup de fouet. Oui, sur la petite face gauche. Ah, il sait que j'aime ça. Il y a chaque fois, tu vois, pshou, là, je me devant le micro. Bonjour, bienvenue à Grand Centre. C'est comme ça que débute l'émission. Là, actuellement, je suis emmuré. Ils ont tout barré. Et là, ils me laissent coucher là. Et il y a une animatrice de vendredi. Comment ça va? Ça va bien? Je suis à mon choix qui tombe du vendredi. Qui vient. Parce que là, je somnole. Elle vient tranquillement parce qu'elle a une voix douce. Renal, descend. Là, je me sens comme dans un rêve. Je descends tranquillement. Pas agressif pour 5 cents parce que c'est pas M. Gondin. Là. C'est une demoiselle. Là, elle me place dans ma cage. Hein? Elle place ma couverture. Et rebord. Elle dit, dors bien. Puis là, le compresseur, ça m'a fonctionné. Hey, monsieur. Là, je pense que c'est fantomatique, l'émission de Dead Metal. C'est Fantomas, c'est Brasse Camarade, des poules de la pute. Ah, mon. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. C'est un petit coin de... Non, mais je sais pas, c'est un petit coin de bar. Là. C'est un moment intime que je vous ai dévoilé, là, madame, mademoiselle, messieurs. J'espère que vous en êtes conscients, collectivement, personnellement et sociétalement. Là, ici, maintenant, non, j'allais dire un autre point en main, mais là, j'ai dit « Tom, mar, faut la part! » On dirait que mon fonctionne, mon fond de chaudron, mon cerveau fonctionne plus lentement ça, aujourd'hui, je sais pas. Toutes les as qui sont mal placés, là. « Peux-tu, madame? » Parce que, excuse-moi, je tutoie, moi, les astres. « Peux-tu, pouvez-vous, pourriez-vous, madame? » Oui, c'est parce qu'elle se prend pour une courgette. Pourriez-vous, s'il vous plaît, madame, tirer... je parle à madame la Lune. Tirer les étoiles filantes vers la droite. Là, je parle beaucoup de droite gauche. Puis l'autre, là, les étoiles dirigeantes, là, parce que les gens ne connaissent pas ça, la vie des étoiles. Pas tous des scientifiques, là. Il y a les étoiles filantes, les étoiles défilantes, refilantes, urinantes. Piquantes, les étoiles piquantes. Ah, mon Dieu, je vous conseille ça là, le samedi après-midi. Là, vous allez me dire, il n'y a pas d'étoiles. Ben oui, c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles n'existaient pas. Ça, c'est comme tout le reste. Tout existe. C'est pas parce que vous n'avez pas la capacité de saisir tout ce qui se passe que vous ne les voyez pas. C'est ça. Comme là, autour de vous, là, il y a 2 millions de regards qui sont rivés vers votre corps. Le saviez-vous? Non. Moi, si. Mais... Ils m'ont dit de ne pas vous affoler avec ça. Il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dévoiler au public. Là, n'allez pas dans les centres d'urgence, dans les hôpitaux, puis pour dire il y a un gars radio qui. Non, s'il vous plaît. Ils sont au courant, mais on ne doit pas. On est une minorité à savoir ça. C'est pas grave, je suis ici pour vous divertir. Peut-être Oncle Buck, puis... Non, j'ai une idée. Ah, mange pas... C'est pas très, très favorable, les idées à cette heure-là. Mais on va avoir... peut-être une petite improvisation rapide, là. Rapidement, je pense à toi. Solidairement, je suis à nous. Ah, alors, première phrase, c'est... Louis était au Red Paddock et il avait la gueule de bois. Ben oui! Hey, ça faisait 2 jours qu'il était dans ce bar étrange. Là, pour pas. Bien sûr, quand ça fermait à 3h du matin, lui, quand même, il était assez fin finot, malgré que les bulles lui montaient à la tête. Hey, troisième bière, pa. Je suis pas ton père, non, patron. Fait que là, il arrivait, ça, c'est un anglais. Chacun ses défauts. Hein? Hey, Pauline Marouet, c'est un anglais, qu'est-ce qu'on fait avec? On le met-tu dans la cage avec Renal Gagné? Loi 101, francophone, t'es au Québec, apprends le français. Bon, excusez-moi. Mais c'est vrai. Quoique, même l'animateur perd son français tout, à chaque fois qu'il voit un micro, lui. Ils l'ont replacé à un moment donné dans la francophonie, blablabla, là, c'est quoi la francophonie? Puis ils se sont rendus compte de l'erreur, ils l'ont enlevé, voyons. Il a pas un français. Lui, il a un français rénaldien, c'est-à-dire que c'est à sa manière. Sa vie, sa vie. Là, le soir, là, lorsqu'il voyait pointer 3 heures, tout le monde s'en allait. Lui bifurquait vers les toilettes. Il se trouvait un endroit dans une chiotte fermée, barrée. Levait les jambes pour pas. Parce que là, le concierge regarde en dessous. Là, c'est, en dessous, c'est tout est beau s'il n'y a pas de jambes. Puis quand il n'y a pas de jambes, il dit il n'y a personne. Ça en va. Il passait la nuit là, puis là, tout le monde partait. Il se retrouvait au bar. Et tout était à volonté. Le gin, la bière, le vin, le champagne. Là, à la fin, hey, non, mais deux jours après, le barman arrive. Ouais, ça n'a pas d'allure, j'ai pas tout bu ça. Parce qu'il était fort sur le champagne. Il avait déjà fait les vendanges à champignons. Il se souvenait des beaux moments. Il était à un moment donné avec Éric Aubry, un homme qui se trouvait là en 1993. Là, il a fraternisé avec. C'était devenu des grands chats. Tu sais, c'est commencé dans ce milieu-là. Il dit, c'est le dialogue de gars, là. Tu sais, la pitoune. Il y avait une belle fille qui faisait les vendanges avec eux autres. Ah, elle s'appelait Géraldine, comme toutes les Françaises. Je m'appelle Géraldine. J'ai 21 ans. J'ai 2 copains. J'ai un amour fini. J'aime bien le Canada. Hein? C'est le Canada, je connais pas ça, moi. Le Québec. Oui, OK. J'aimerais bien aller au Québec. OK. Ben, vous êtes-tu mariée avec moi pour être québécoise? Ah, mais t'es pauvre con, on va te tirer, va aller. Hey, là. Pourtant, quand je vais dans d'autres pays, hein, je les nommerai pas. Puis, ils veulent me marier, ils me connaissent même pas. Hey, monsieur. Ah! un moment de la journée? Le matin. Ah oui, pour un chanteur, le matin, on dort. Moi, à part quand je chante, j'aime pas spécialement me coucher tard. Par contre, si je chante, si je travaille, je peux faire une nuit blanche. Mais j'aime le matin, tôt le matin. Quelle heure? Quand le soleil se lève, j'aime bien ce qui se passe dans les rues ou ce qui ne se passe pas, justement. J'aime bien le petit déjeuner, j'aime bien ce moment où tout va commencer, mais pas... Et à cette heure-là, est-ce que tu marches ou si tu regardes? Ça dépend où je suis, ça dépend ce que je fais, mais comme je fais de la randonnée, j'aime bien partir tôt le matin, dans la brume, comme ça. Ah oui, tu es vraiment un type qui explore, qui... En tout cas, je marche, donc en marchant, ouais. On découvre. Puis aussi. À Paris, c'est incroyable, marcher à Paris, c'est comme marcher à Québec. C'est... Ouais. Mais ici, il y a des hauts et des bas, tandis que chez nous, c'est un peu plus plat. Ouais, ouais. Si tu étais un autre individu... Un autre individu. Non, pas que je me trouve parfait, hein, mais... je dirais... Tu me colles là, parce qu'il y a tellement de gens que j'aime et un autre individu. Well, Elvis in the making. found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street. That's a Heartbreak Hotel. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely, baby. I could die. The bellboy's always crying. The ladies dressed in black. They've been so long all along the street, they'll never, never, never come back. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely, baby. I could die. People talking all about the way you left me flat. Well, I don't care what those people say. I know where that jive is at. Milky Way with pictures of a missing planet last seen in pursuit of an American dream. This fool actually thinks he could drive his Hummer on the moon, blasting DMX off the soundtrack of a South Park cartoon. Niggas used to buy their families out of slavery. Now we buy chains and links, smokes and drinks. They're paying me to record this. Even more if you hear it. Somebody tell me what you think I should do with the money. Yes, Dredd, tell me what you think I should do with the money. Exactly how much is it gonna cost to free Mumia? What you gonna do with this freedom? Talk on the radio? Radio programming is just that. A brainwashed and cleaned of purpose. To be honest, some freedom of speech makes me nervous. And you looking for another martyr in the form of a man here like a mane with an outstretched hand? In a world of harsh thoughts, reactionary defensiveness, and counterintelligence, what exactly is innocence? Fuck it, I do believe the existence of police brutality. Who do I make checks payable to? A young child stares at a glowing screen, transfixed by tales of violence. His teenage father tells him that that's life, not that Barney shit. A purple dinosaur that speaks of love, a black man that speaks of blood. Which one is keeping it real, son? Who manufactured your steel, son? Hardcore, basing elements after Earth's core. Fuck it, I'ma keep speaking till my throat sores. An MC told a crowd of hundreds to put their hands in the air. to a bank and told everyone to put their hands in the air. A Christian minister gives his benediction while the congregation hold their hands in the air. Love the image of the happy Buddha with his hands in the air. Hands up if you're confused, define tomorrow. Your belief system ain't louder than my car system. Nigga walked down my block with his Rottweiler. A subwoofer on a leash, each one teach one. The DJ spins a new philosophy into a barren mind. I can't follow it, my head nods as if to clear the last image from an etch-a-sketch. Something like Rakim said, I could quote any MC, but why should I? How would it benefit me? Karmic repercussions. Are your tales of reality worth their sonic lace discussions? Suddenly the ground shivers and quakes. A newborn startles and wakes. Her mother rushes to her bedside to hold her to her breast. Milk of sustenance heals and nourishes. From the debts of creation, life still flourishes. Yet we focus on death and destruction, violence, corruption. My people, let Pharaoh go. What have you bought into? How much will it cost to buy you out? What have you bought into? How much will it cost to buy you out? What have you bought into? How much will it cost to buy you out? How much it gonna cost to buy you out of my mind? Penny for a thought. Y'all niggas is half-stepping. Wasting my time. Please, nigga, what? Talking to me? Please, baby, please. Can I borrow a nickel, a dime of that corner? Baby, penny for a thought. How much it gonna cost to buy you out of buying into a reality that originally bought you? Dime a dozen. Y'all niggas a dime a dozen. Penny for a thought, nigga. Come on, penny for a thought. Think fast. Come on, time is money. Time is money. Money is time. So I keep 7 o'clock in the bank and gain interest in the hour of God. I'm saving to buy my freedom. God grant me wings. I'm too fly, not too fly. I soar to look at humans without wings. So I soar and find tickling the feathers of my wings. Flying hysterically over land. Numerically, I am 7 mountains higher than the valley of death. 7 mountains higher than the valley of death. 7 dimensions deeper than dimensions of breath. 7 mountains higher than the valley of death. 7 dimensions deeper than dimensions of breath. We're performing an exorcism and all that's keeping realism. Violent sensationalism. In the name of the hip hop that nurtured me, cultured me. We are ordering all evil entities to exit this body, leave this body. In the name of microphone scenes and a young boy's b-boy dreams, we charge you to leave this body, leave this body. All evil entities, all wannabe MCs, decoys, decoys. Send in the true b-boys, the true b-boys. B-men, motherfuckers, b-men. In the name of Scott LaRock, in the name of Tito Rock. Motherfuckers, remember how to do the Reeboks. Rock, pop, I charge you to leave this body, leave this body. Motherfuckers must think I'm crazy. Shit, I think your motherfuckers is crazy. I want my fucking MTV. Penny for a thought, nigga. Penny for a thought. The fuck have you brought into? À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. Sans rien modifier? Si, il y a, okay. Y a deux ou trois grosses erreurs que j'ai faites. Est-ce que c'est professionnel ou plus personnel? Both. Les deux. Il y a un peu des deux, oui. Okay. Disons que je ferai le même chemin, mais en essayant d'être plus sûr de moi. OK. Voilà, parce que j'ai une espèce d'humilité qui me freine des fois. Encore aujourd'hui? Oui. OK. Oui, ça fait que c'est culturel, c'est l'éducation, donc une espèce d'humilité qui me fait souvent me dire, mais non, mais pour qui tu te prends pour proposer ou dire ou pas, alors que... Et est-ce que c'est typiquement normal, ça, non? Non, il y a un peu de ça. Non, non, enfin... Je sais pas. Non, mais peut-être d'un coup, peut-être d'un coup, non. Oui, c'est ça, un petit accent comme ça. Non, je pense que ça vient de c'est culturel. Je viens d'une famille de gens humbles et simples. Toi, que faisait ton père? Papa était commerçant, charcutier, petit commerçant. Excellent métier. Ouais. Mm. Mais très difficile à l'époque où il l'a fait, quoi. stand aloof to hide the inner life. Yet depending on the circumstance, I show my tools when niggas know I'm just a fishing pants. Beginning with the aftermath, sayers of sooth who stand aloof to hide the inner life. Depending on the circumstance, I show my toes when niggas know I'm just a fishing pants. I slept once. The dream has yet to end. It was a purple evening such as this. The curtains had been pulled by a hand unattached. I lay propped on a pillow of eagle feathers on a couch framed with the skeletons of my uncles and great uncles. I did not intend to close my eyes, but when I did, the night is falling on the moist palms of children too weak to bear its weight. The stars are visibly breathing. In fact, they almost look as if they're chewing gum. The moon is crescented on both sides while its center remains unseen. I can faintly hear my mother calling me, or is that my sister singing songs of the railroad? Robeson is reflected in a floating mirror. Then I realize that the mirror is not floating, but being pulled by a white horse and a great golden chariot. The horse has human feet. I look down at my feet and they are hooved. When I look up, it is no longer night. The sun covers the entire sky as if it has been stretched to reach all corners. Flames are visible but not threatening. A girl brushes my knee with her tail. She's wearing pink overalls and rollerblades. She signals for me to follow her. As soon as I take a step towards her, I'm flying. There are rocky mountains below me. I decide to land in a small settlement between mountains. A man walks up to me. He is my father, but he introduces himself to me as John Galt. I ask him if he is the Reverend John Galt. We begin to say the Lord's Prayer together. The whole world seems to join in. The mountains have mouths. I'm standing at an altar. It takes a second before I realize I'm getting married. The woman beside me, my bride, is sitting in lotus position on an Indian silk pillow. She's holding a white umbrella over her head. I cannot see her. I keep whispering to her, it's okay. Hey, love, it's okay, love, and she keeps shushing me and shushing me. I'm wearing a backpack. I decide to take it off and open it up. It's filled with coloring books, and I keep thinking, I have to be done in time to pick Saturn up from school. I have to be done in time to pick Saturn up from school. Yes, yes, I have to be done in time to pick Saturn up from school. Yes, yes, you don't stop. Yes, yes, keep on. My darling Saturn, I seem to break your heart daily. How could I ever neglect to hug you? You are a planet hugged by a rainbow. Forgive me. I sometimes become so consumed in the travails of my own heart that I neglect yours, and there is no greater crime. I will never commit it again, for there is no other adultery. You are my child, God's gift to the world. Aujourd'hui, est-ce que t'es le genre à évaluer un peu le travail de ton père, c'est-à-dire quand t'en manges, est-ce que tu dis, oh oui, mais papa faisait mieux? Oh ben j'en mange, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je n'ai jamais mangé d'aussi bonne charcuterie que la sienne. Ben oui, est-ce que ça s'est modifié avec les années? Tu veux dire la charcuterie oui, en général? Oui, oui, oui. Ah ben, ce qu'on trouve, oui, enfin, il y a toujours des bons charcutiers, mais, ouais. Mais avec toute cette charcuterie industrielle, maintenant, qu'on te sert même au restaurant, bon, c'est difficile on des fois de... Oui. On super. Ouais. Et puis ta mère faisait? Ben maman, elle vendait, elle tenait la boutique. Ah, c'est bien. Alors, les deux. Mais mon papa a appris la charcuterie à l'âge de 14 ans avec son père qui était charcutier. Donc voilà, mais je viens de deux familles normandes très très profondément normandes, et donc peut-être que oui, ça vient de là aussi. Est-ce que le côté un peu festif, amoureux de la vie, de la bouffe, est né de tes racines familiales? Le côté festif, non. Okay. D'ailleurs, je n'ai pas tant que ça. Okay. Je suis pas quelqu'un de très festif. comme ça, je me replace à l'époque où j'étais un loup-garou. C'est en 2003. Puis là, en 2009, on m'a dit, tu dois rester humain. Reviens, reviens. Ça, c'est un peu comme lorsque je pars dans mes improvisations, il y a des gens, lorsque je... Arrête de dire lorsque... OK. Madame Tremblay, je m'en excuse infiniment. Madame Tremblay, pardonnez-moi. Revenez vite auprès de moi. Non, mais c'est ça un peu, là. Lorsque je m'en... Lorsque je fais des improvisations en dehors des émissions de radio, les gens, surtout une personne, me dit souvent, reviens à nous. Ça me dérange, parce que là, je pars dans des extravagances narratives, là. Hey, reviens à nous! Ah, là, ça me coupe. Ça me coupe les reins, ça me coupe la tête, ça me coupe l'esprit. Ça va bien, oui. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange, excusez-moi, depuis la libération de Yagandzini. En 1972, vous saviez, le grand, c'était un grand 5 et 2, un révolutionnaire et rénaldien qui a voulu plaider notre cause pour enfin que l'absurdité prenne une place prépondérante dans l'existence. Et malheureusement, il a fait de la prison et on l'a tué puisque là-bas, entre quatre murs, il a dit non, ce n'est pas des murs. Et il s'est frappé à plusieurs reprises dans ce qui était de la brique. Il a saigné. Il est mort au bout de tout ça. Enfin, on le louange maintenant. Nous le louangeons maintenant. OK, merci. Comme le mentionnait Jim, vous êtes bonne, vous? Merci, j'étais à une certaine époque punaise de sacristie. Oui. Maintenant, je suis une Christie de punaise. Et qu'est-ce que vous faites? Je suis une sacristie de punaise. Okay. Les hommes me le disent. OK, ils vous rencontrent, puis ils se gratouillent. Oh, vous n'êtes pas une femme facile? Pas très facile, non. L'absurdité m'a amené vers des chemins tout à fait irrespectueux. Donc, je ne tolère pas aucune limite intellectuelle. Je ne veux pas que les sources coulent trop à flot dans ce qui est de conscient. Je me noie régulièrement dans l'inconscience collective des masses populaires qui se cherchent la tête comme des poules qui n'en ont plus. Monsieur. Oui, merci. Et c'est comme ça que je termine mon texte, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Bien, il n'y en a pas de texte. Oui. Il n'y en a pas de personnage. OK. La punaise de sacristie, c'est qui, ça? C'est les manies viennent de Zoom. Arrête de chanter. Alors, comme le mentionnait Jim Morrison, l'errance rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et ça fait 1h15, là. Puis tout le monde est devant leur radio. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, à une autre station. Puis là, ils disent, non, c'est collé. Comment ça, c'est collé? Ben oui. Parce qu'il fait du racolage, donc c'est collé. On peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus haut. On peut pas aller encore plus loin, mais encore, c'est plus haut. Tiens mon bras, puis lèche ma main. Oh mon Dieu. Et lèche mon chemin. Lèche mon chemin, parcourir l'essence. Lèche mon chemin. Cette semaine, et ce jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déballerons toutes les ballerines, déshabillerons toutes les ballerines, et c'est dans les lignes qu'on vide. Moi, c'est plus line, c'est rendu linoise. OK. J'habite la Linoisie. Oh, ça c'est où? C'est en Sibérie. OK. Mon mari n'est qu'un labrador pure race. OK. Il s'est transformé il y a quelques semaines en pur loup-garou. Oh! Il me mord dans les quoi? Dans les deux extrémités du cou. Oh, on a eu peur. Là, madame l'ascenseur était au troisième étage, elle, là. Mais l'ascenseur était au premier. Elle a assis, il dit, on peut pas tolérer. Tolérer, on ne tolère pas. Déjà, tolérer. Où se trouve la tolérance derrière la tôle? Qui dit tôle dit... Dis pas une maudite scène parce qu'il est tôlé. Non, non, il tôle. Oublie l'argent, toi, là. Tôle, c'est... C'est quelque chose de rigide? Oui, mais... Oh, peux-tu l'arrêter là? Non, non, non. Quand on te mentionne le mot tôle dans ta tête, qu'est-ce qui arrive? Des reflets? Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? OK, je vais vous aider. C'est prison, tôle, prison. Ah, on a parlé des prisons de l'orgueil, madame. Alors, des plucherons, des abirons, poursuivons, élèverons en bas de main, pour absorber la moindre couture, fissure, embouchure, angle. Enfin, là, cet exercice-là, c'est un mot que me dictera l'au-delà et je ferai une improvisation et on verra s'il se cataloguera dans le château symbolique de la francophonie. En un mot, c'est ça. Ben, ça a pris plus qu'un mot, hein? Ouais, arrête ça, toi. Répétition. Ah, ça, c'est le mot. Hey, on l'a entendu. On s'est presque endormi, madame. Vous n'aviez pas le bouton, vous, là? Mais j'essayais de trouver l'enregistreuse. Et puis, elle n'enregistrerait pas. Et puis, maintenant, ben, elle t'a fait entendre. Merci. Allez-y. Répétition. Dans la grande histoire de la vie, dans notre scène théâtrale que l'on appelle... La potence. Potence. OK. Il y a des moments où... Répétition. Oui, où on doit répéter. Répéter les courbures. Ah, bonjour, ça va bien? Oui. Oh, je suis content de te voir, là. Mais c'est pas vrai, ce n'est qu'une... Répétition. On a des cassettes comme ça pour amener la... Répétition. À une véritable accusation de la vie. Non, mais quand on se sent pas bien, on se remet en bouche là, tout ce qu'on peut dire de normatif. Parce que hein, on est tout croche, puis on se dit que... Répétition. Oui, excuse-moi. On se dit que la... Répétition. Oui, j'ai oublié de dire l'article. C'est très important de dire l'article, madame, l'article. Et puis, le possessif. Mais si vous n'êtes pas possessive, je vous aime, là. Vous êtes encore ma préférée, parce que pourquoi? Hein? Ma voiture, hein? Ma maison, mon vidéo, mon époux, ma vie. Non, non, non, non, non, non, non. Rien ne nous appartient. Tout est à tout le monde. Ça, c'est le côté hein, marxiste. Jane. Oh, tes proteins et tes yeux candides dans le man's land et les yeux candides. Ah, Jimmy, Jane. Ça, c'est mon imitation de Jill Birkin. Oh! Oh, là, on s'en imite. Il est des nôtres. Il l'imitation. Alors, on l'a. Hein? On dirait vraiment que c'était la vraie. Bonsoir. Bonsoir, Jane. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Oh! Et puis? Oh, Serge n'est pas là. Oh, où il est? Il est au 7e pieu. Oh! Il se pieute avec Jane Birkin. Vous êtes qui, vous? Jane Birkin. Mais oui, oui, oui. Jane Birkin. J'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime les amis, j'aime la bonne vie, la bonne chère, mais je suis pas quelqu'un qui aime faire la fête toute l'année, rien que pour faire la fête. Moi, il me faut un but. Tu vois, j'aime aller voir des concerts, aller manger chez des amis ou aller chanter. Okay. Mais sortir en boîte toute l'année pour faire la fête, ça me parle pas. Okay. Ça, tu vois. Il faut que ce soit entre amis. Et... Ouais, ouais, il faut qu'il y ait une raison, un but, tu vois, un cadre intéressant et voilà. Sinon, je suis quelqu'un de plutôt calme, renfermé. Et voire même un peu mélancolique, okay. Tu vois. Alors, tu te reclus pour écrire, pour dessiner. Ouais, Alors, c'est aussi ton côté créatif. Et c'est très bon pour ça, parce que ça te permet de travailler. Oui. Écoute, on se souhaite de se voir à Québec pendant le Festival d'été, à Montréal, pendant les Francofolies. Génial, sûr qu'il y a des liens Internet, CKRL et tout le reste qui font en sorte un jour de pouvoir t'applaudir sur les scènes québécoises. Avec plaisir. En tout cas, moi, l'album devrait être prêt dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Là. Okay. Mark on Exilver. 1956. Cry they have to the oarsmen, and the boat just darted forward to the attack. But maddened by yesterday's fresh irons that corroded in him, Moby Dick seemed combinedly possessed by all the angels that fell from heaven. Hot damn tamale, Ahab. I swear. The white hairs of the welded tendons overspreading his broad white forehead beneath the transparent skin looked knitted together. As head-on, he came churning his tail among the boats and once more flailed them apart, spilling out irons and lances from the tube. You know, I'm tired of this thing. I think he should have ordered the damn thing different. Right here, look. From the two mates' boasts. That's two 250 milligram plastidils that I think is talking now. Dashing in on one side of the upper part of their bowels, but leaving Ahab almost without a scar. I just like to say that I admire this Ahab character. First of all, then he said to him, I saw the opening maw of hell with endless pains and sorrows there, which none that they feel can tell, though I was plunging to despair. In black distress, I called on God, and the stage hears the voice. Moby Dick is now again steadily swimming forward. No more the way it is past the ship I am. Which does. I've read this damn book 22 times, Charlie, and I still don't understand a thing. You saw him at the concert for Clean Air in Chino, California. You saw him at the Toy Room, Reno, Nevada. You saw him at Benyon's Horseshoe Club in fabulous Las Vegas, Nevada. Now approaching the drunken tour. We'll be right back.

sister, for me and for you, I feel that it's true somehow. Can't you see that cabin in the sky, mister? An acre or two of heavenly blue to plow. We will be oh so gay, eat fried chicken every day as the angels go sailing by. That is why my heart is flying high, mister, 'cause I know we'll have a cabin in the sky. Dès que c'est prêt, je te tiens au courant. Je te fais et puis ça sera disponible sur Internet, sur, le, oui, sur les plateformes. Oui, bien sûr. On pourrait télécharger oui. Nos pièces favorites et c'est l'album au complet. Oui. Et il y aura un vinyle, forcément. Oui. J'achète du vinyle, j'en ai encore acheté hier. Récent, des albums récents. Non, des vieux albums, parce que j'ai trouvé là. OK. Et ce qui plaît du vinyle, c'est quoi? C'est encore ta platine? Le son, déjà, oui. Okay. Le son est meilleur et puis on trouve des... Il y a des choses qui ne seront jamais rééditées en CD. Ouais. Et j'aime pas le son du CD. Le son du CD, pour la musique d'aujourd'hui, c'est cohérent. Mais pour la musique que j'aime, c'est vraiment le vinyle. Puis c'est... Alors, t'aimes ça, le bruit de l'aiguille et... Oui, puis l'objet, et puis la chaleur du son. Il manque quelque chose. La pochette, hein. Pochettes, c'est dépliées, les pochettes, c'est tout ça. Ouais, ouais. Aujourd'hui, puis ce qui enfermait le disque, il y avait une rondelle avec... Ouais, Aujourd'hui, c'est bien certain que... Tout est rapissé. Mais aujourd'hui, le CD va disparaître, mais le vinyle reste. Ouais, mais là, c'est rendu le MP3, hein, le Wave MP3. Oui, tout ça, le MP3 remplace le CD, ouais. Mais le vinyle reste. Oui, c'est vrai. Ils ont voulu enterrer le vinyle, mais ça n'a pas marché. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a une qualité, et puis il y a, voilà, c'est autre chose. Une sonorité, ouais. À part. Ouais. Allez, merci. Ben, je t'en prie. Et on se retrouve à Québec. Ouais, au avec Québec, plaisir. Tiens, on va grossir notre ouais. Au Québec. OK, génial. OK, à la prochaine. À bientôt. Bye. Old limehouse kid, just one more limehouse kid, going the way that the rest of them did. Poor broken blossom and nobody's child, haunting and taunting, you're just kind of wild. Old limehouse blues, I've got real limehouse blues. Learn from the others, those sad china blues. Rings on her fingers and tears for a crown. That is a story of old Chinatown. I've got real limehouse blues.